Oui, si je pouvais. Quand je suis ici, je viens tous les jours. Parce que nous, on vient de Strasbourg. Voilà. À part ça, ouais, c'est vrai qu'on dépense énormément. Tu gagnes pas souvent. Et ben, c'est les addicts au jeu, quoi. Ouais, mais bon. On a rien à perdre, hein. On n'emmène rien. L'argent pour les enfants sont mis de côté. Et le reste, on le dépense. Voilà. Bon, c'est quand même relativement rare. Vu les sommes que j'ai pu jouer, non. Je ne peux pas dire que je gagne beaucoup. Hein. Le maximum que j'ai gagné, c'est 4000 euros. Mais c'est rien quand vous regardez ce qu'on met par mois. Non, on met 700, 800 euros par mois. Non, c'est rien, quoi. On vient régulièrement ici. Oui, on a une maison ici à Dunkerque, la belle-mère. Hein. Donc on vient la voir, elle est en maison de retraite, on vient la voir, donc on est ici 15 jours, tous les deux mois à peu près. Ouais, et puis à Strasbourg, il y a aussi des casinos, enfin, pas à Strasbourg, parce que Strasbourg, ils sont space hein, pour ça. Hein. Il n'y a pas vraiment de casino, quoi. Il faut toujours faire au moins 75 km, quoi, pour avoir un casino. Mais à part ça, on n'arrive pas à s'en empêcher. Hein. On va aussi en Belgique, hein. On va aussi à Calais, comment il s'appelle au Touquet, on va un peu partout, quoi. Ah oui. Le seul que j'ai pas fait, c'est Enghien. Partout où je vais d'abord voir le casino et après je visite. Oh, pas longtemps, hein. Non, ça doit faire la première fois que je suis allée au casino. Maintenant, j'ai 72 ans. Je devais avoir 52 ans. C'est la première fois que j'ai mis les pieds dans un casino. Mais j'aurais mieux fait de pas y aller. Je serais riche maintenant. Justement, c'est ça. Cet appât du gain. Ouais. Puis on croit toujours que ça va venir. Et les seules fois où finalement on a gagné, c'est parce que tu t'y attends pas. Ouais, quand il n'y a plus de sous sur le compte, on est début du mois. Ça va venir là d'ici 2-3 jours. Mais bon, non. On commence quand même après, au bout d'un moment, tu essayes quand même de gérer un peu, quoi. Mais c'est vrai que tu dépenses, qu'on dépense quand même beaucoup. On peut pas dire que. Non, tu gagnes pas. Au casino, tu gagnes jamais. Jamais j'ai gagné une grosse somme comme certains. Ils arrivent, ils gagnent 16 000 au moins une fois dans leur vie, avec à force de jouer. Mais moi, j'ai beau jouer tous les jours, et ben non. C'est le pas de chance, quoi. Voilà. Les 7, ils remplacent tout. Ils remplacent n'importe quel symbole. C'est des jokers, les 7. Ça. Si là, il y avait un pastèque là, hop, c'était bon. Mardi, en Belgique, j'ai fait les 5 étoiles, 1000 euros, 640 euros, elle m'avait donné. Et après, elle m'a donné des 7, j'ai pris à 1135. Le 7 remplace tout, tous les symboles. Là, il y a 40, non, là, il y a ça, 40 lignes. Là, non, 20 lignes. Ouais, là, il y a 20 lignes. Vous avez 20 lignes, vous avez 40 lignes, 10 lignes, 5 lignes, ça dépend. On prend, on va ailleurs. On a un peu peur qu'elle ne nous donne pas plus. Ça marche pas. Ah ben, elle ne veut plus rendre les sous. On est abonnés hier déjà, 250 euros, ils n'ont pas pu nous rendre, on a été obligés de revenir aujourd'hui. Parce que dans la machine, ils ne l'ont pas donné.